France Musique. En 50 avant Jésus-Christ, la Gaule était couverte de forêts impénétrables où régnait un silence majestueux. Seuls les oiseaux... Oh! Oh! Oh! Oh! S'il vous plaît! S'il vous plaît! J'ai dit en 50 avant Jésus-Christ. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. Laurent Vallière, 42e rue. Le moment de ma vie où je me suis senti le plus fier, c'était à la première de ma comédie musicale Shuffle Along. À l'entracte, le public blanc n'arrêtait pas de dire « J'aimerais bien le toucher, l'homme qui a écrit la musique. » Enfin, j'étais un être humain. Hubby Blake avait 34 ans. Cet afro-américain, fils d'esclaves noirs, faisait entrer le jazz à Broadway. Il est ce matin sur la grande affiche de la 42e rue. Bonjour à tous. Why can't I forget like I should? Heaven knows I would if I could. But I just can't keep you off my mind. Though you've gone and love was in vain, all around me you still remain. Wonder why fate should be so unkind. Waking skies at sunrise, every sunset too seems to be bringing me memories of you. Here and there, everywhere, scenes that we once knew, and they all just recall memories of you. How I wish I could forget those happy yesteryears that have left a rosary of tears. Your face beams in my dreams, spite of all I do. You're gonna hear from me tonight. Whoever good man is hard to find. Positively, absolutely, sure was blind. I found the best there ever was. Here's just some of the things he does. He shakes my ashes, greases my griddle, churns my butter, strokes my fiddle. My man, such a handy man. He threads my needle, creams my wheat, heats my heater, chops my meat. My man sure is a handy man. Don't care if you believe it or not, he sure is good to have around. Why, when my furnace gets too hot, he's right there to turn my damper down. For everything, he's got a scheme. You ought to see his new starter he uses on my machine. My man, such a handy man. Such a handy, such a handy. He flaps my flapjacks, cleans off the table, feeds the horses in my stable. My man, such a handy man. Sometimes he's up long before dawn, busy trimming the rough edges off my lawn. Oh, you can't get away from it, he's such a handy man. He never has a single thing to say while he's working hard. I wish that you could see the way he handles my front yard. My ice don't get a chance to melt away. He sees that I get that old fresh piece every day. My man sure is a handy man. Sure is a handy man. Sure is a handy man. That's right. Deux succès composés par Hubby Blake. Tout d'abord, un standard, Judy Garland, qui interprétait Memories of You, créé en 1930 pour une revue qui s'intitulait Blackbirds of 1930. Et puis à l'instant, My Handyman, interprété par Jen Krakowski. Il n'avait que 43 ans en 1930. C'était presque la fin de sa carrière à Broadway. Et puis la fin d'une ère, celle des comédies musicales noires à Broadway. Il avait créé en 1921 avec une équipe entièrement noire, parolier, auteur du livret, une comédie musicale qui allait faire événement et rendre célèbres des actrices comme Josephine Baker ou Florence Mills et ouvrir la voie à d'autres auteurs noirs, de Fats Waller à Andy Razaf. Le spectacle s'intitulait Shuffle Along. Il ouvrait pourtant à un kilomètre au nord de Times Square sur la 63e rue, mais tout Broadway venait et surtout un public blanc. Alors, pour débuter, en voici un medley interprété au piano par son compositeur, Hubby Blake, et chanté par Ivan Harold Browning. You think, why don't they write songs about brown skin girl? Oh, Brown and I already wrote a song about brown skin girl. Don't you remember? Oh, yes, I do remember. If you never been found by a brown skin, you never been found at all. Chocolate brown will make a tadpole smack a whale. A pretty sealskin brown, I mean one long and tall, will make the size one long and tall. We'll make the silence faint out in the desert bowl. If you've never been vampire brown skin, you've never been vampire at all. Say, Brownie, you know, what become of Emmeline? Emmeline was a brown-skinned girl, Brownie. Don't you remember? Yes, I remember. And honeysuckle time, sweet Emmeline said she'd be mine. And in the wedding line, there'll be no hesitating, cause the preacher will be waiting when the knot am tied. With Emmy by my side, all the fellas will be jealous and feeling kind of huff. When I come along with Emmeline, I strut my stuff. Hot dog, my soul, I'm gonna knock 'em cold. I'll be worth my weight in gold in honeysuckle time, when Emmeline says she'll be mine. Come along with him, a lion is strutting my stuff. Hot dog, my soul, I'm gonna knock 'em cold. I'll be worth my weight in gold and honeysuckle time, when Emma Lyon said she'd be mine. Said she'd be crazy about Harry. Yeah? Yes. I'm just wild about Harry, and Harry's wild about me. The heavenly blisses of his kisses fills me with ecstasy. He's sweet like chocolate candy, and sweeter than honey from the bee. And I'm just wild about Harry, and Harry's wild about. Bobby Blake est né à Baltimore, dans le Maryland. Ses parents étaient esclaves, mais ont eu la chance, si j'ose dire, d'être éduqués en cachette par la fille de leur propriétaire. À l'âge de 5 ans, Bobby Blake se promène sagement avec ses parents et puis soudain disparaît. Les parents le retrouvent en train de jouer brillamment sur un orgue. Le propriétaire du magasin crie au génie et réussit à leur vendre un piano à $75. Bobby Blake va apprendre la musique à l'oreille et le ragtime, il l'a dès le début dans la peau. C'est une musique qu'on entend partout à l'époque, à l'église, dans les processions funéraires, dans les bordels, dans les expositions universelles, mais qui a sale réputation. Lorsque sa mère entend un jour son fils jouer ce rythme syncopé, elle est effrayée et lui crie dessus « Sors le ragtime de cette maison !» Le ragtime est ancré dans la musique noire jusqu'à sa physionomie. La main gauche respecte le système et graine un rythme précis. et la main droite est tout en liberté et en inhibition. Ubby Blake, à l'âge de 15 ans, gagne sa vie en partant à 21h jouer dans des bordels, dans des bars, et il apprend à couvrir le bruit des bagarres lorsqu'elles se produisent. C'est en 1899, exactement la même année que Scott Joplin compose son célébrissime ragtime Maple Leaf Rag, que Ubby Blake compose son tout premier ragtime. Écoutez-le jouer, ce morceau, 76 ans plus tard, il a les doigts toujours aussi virtuoses. Un morceau intitulé Charleston Rag. Deceived in you, and now I'm sad. You said that my poor heart is aching, it's almost breaking, and it's all your fault. You know who sang that song for us? Yes, sir, I'll never forget that. Yeah, Miss Sophie Tucker, God bless her. That's the first song we ever wrote. The first song we ever wrote. Eh oui, la toute première chanson que compose Hubby Blake avec le parolier Noble Cecil pour la grande Sophie Tucker, comme il venait de l'expliquer. Sophie Tucker qui cherchait à promouvoir les auteurs noirs. Noble Cecil, Hubby Blake se rencontrent et c'est quelque chose de tout nouveau qui se passe dans la carrière de Hubby Blake. 42e rue sur France Musique. Laurent Vallière. Noble Cecil est un chanteur, est un parolier, on l'a entendu, il chante très très bien. Il est né à Indianapolis. Ils forment d'abord tous les deux un duo et ils créent un spectacle de vaudeville de cabaret, The Dixie Duo, pour lesquels ils créent de nombreuses chansons, dont celle-ci, enregistrement d'époque, Gee, I'm Glad I'm From Dixie. Conductor man, wave your hand. Start this train of moving for old Dixieland. I can't wait, don't hesitate. Tell that engineer to hit his fast. Woo! I can see you tenderly standing in that door waiting there for me. Down at the station, there'll be a demonstration of Southern hospitality. Gee, I'm glad that I'm from Dixie, down where the Pawnee River's flowing. That's where the choo-choo am I going. I hope she makes a beeline to old Virginia, cross the Carolinas into Alabama. Then give me time to send that telegram that I've come in. Yes, come in. So weep no more, my lady. Oh, gee, I'm glad that I'm from Dixie. So I can get a Dixie welcome home. Gee, I'm glad that I'm from Dixie, down where the Swanee River's flowing. That's where the choo-choo am I going. I hope she makes a beeline to old Virginia, cross the Carolinas into Alabama. Then give me time to send a telegram that I've come in. Yes, come in. So weep no more, my lady. Boy, look, look, look, look, look, look at them tall picket fences. I was talking to a gypsy. Yeah? And what did she have to tell me? When my palm she read, I asked her when I would wed. And she shook her head. And then what did she say? What'd she say, baby? I don't know, because I ran away. Now I've got the gypsy blues, and I'm sorry that I did refuse to wait and listen to her gypsy news. Maybe she was just in doubt, and some line was trying to figure out, and trying to find what it was about. I would give all my weight in gold to know what she was about to tell me. But if she had a said that you, sweetie, you'd lose, they'd had to bury me rather than to start a ruse. Why I ran away and got my dues. That's why I got those ipsy gypsy blue gypsy blues. That's now why you got I've the got blues. The gypsy blues. Sure, you got the blues, baby. And I'm sorry that I did refuse. Yeah, it's too late to be sorry, do to I? To wait and listen. Should've listened. To her gypsy news. You ain't kidding me, Thelma. What else she tell you? What else she tell you? Maybe she was just in doubt, and some line was trying to figure out, and trying to find what it was about. Now look at you. Look at you. What you about to do? Getting ready to cry? You getting ready to cry, girl? Oh, suffer. Da, da, da, suffer, da, da. Cry. Oh, cry. Ha ha. Ain't nothing but guilty conscience. You ain't fooled me one bit. Now what? Bebop, bebop. They'd had to bury me rather than to start a ruse. You starting a ruse now, honey? Why, I ran away and got my dues. That's why I've got those itsy gypsy blue gypsy blue. You got those gypsy. Un premier extrait de cette comédie musicale qui fait date, Shuffle Along, par Louise Woods et Lawrence Watson, qui interprétait Gypsy Blues. Parce que la rencontre entre Hubby Black, le compositeur, et Noble Cecil, le parolier, marque un tournant. Tous les deux ont une obsession, ils veulent remettre la musique noire à Broadway. Il y a eu dans les années 1910 des comédies musicales composées par des artistes noirs. Les stars et les compositeurs se nommaient Bert Williams, George Walker, Bob Cole, les Johnson Brothers. Mais ces comédies musicales étaient souvent dans un style proche de l'opérette ou alors du vaudeville. Non, là, en 1921, ils veulent une comédie musicale avec de la musique comme on entend, comme du ragtime, de la musique syncopée. Il se trouve qu'ils ont rencontré lors d'un gala à Philadelphie des chansonniers. Ils décident de construire ensemble une comédie musicale. Les chansonniers vont écrire le livret, Noble Cecil et Hubby Black les chansons, et Hubby Black va faire répéter, c'est rare d'ailleurs, les artistes, diriger l'orchestre de 16 musiciens, tout en jouant au piano avec virtuosité dans la fosse. Il y aura une chanson en particulier qui va inquiéter tout le monde. C'est une romance entre deux artistes noirs, deux acteurs noirs, du jamais vu sur une scène à l'époque. Et le soir de la première, Hubby Black dirige au piano, mais tous les autres sont prêts à recevoir des tomates d'un public blanc. D'ailleurs, Noble Cecil, lui, est près de la sortie. Un pied dans le théâtre, l'autre en direction d'Harlem. Et c'est une surprise pour tous lorsque le public applaudit la chanson à tout rompre. Ça s'intitule « Love Will Find a Way ». Heavenly beacon, guiding me through love's darkest night. Don't start minding or fault finding, matters not how dark one's path may grow. Fate won't hurry. Clouds will soon roll by. kind like you'd find in a book. I'm the champ, and if I once get him, why, I'll just set him beneath my parlor lamp and let him kiss me, kiss me, kiss me with his tempting lips. Sweet as honey drips. Gently rest, breathe love's tender sighs while I gaze into his eyes that will just hypnotize. And I know he'll whisper, whisper, whisper to me soft and low, something nice, you know. Honey, honey, honey, when there's no one near, my honey dear, who will hide to me, cuddle me, sing to me, cling to me, sigh to me, cry to me, moon to me, spoon to me. I'm craving for that kind of love, love, love. Whisper, whisper, whisper to me. En 1978, deux compositeurs noirs faisaient l'objet de revues autobiographiques, enfin plutôt revues biographiques à Broadway. Il y avait Fats Waller qui avait les honneurs de Ain't Misbehaving et puis Hubie Blake avait droit à cette comédie musicale biographique dont nous venons d'entendre un extrait. La comédie musicale s'intitulait tout simplement Hubie et la chanson que nous venons d'entendre interprétée par Lini Godfrey et extraite de la comédie musicale Shuffle Along s'intitulait I'm Craving for That Kind. Bon, la chanson certainement la plus connue de Shuffle Along, elle s'intitule I'm Just Worried About Harry. C'est intéressant parce qu'au départ, Hubie Blake l'avait écrit comme une valse. Et en fait, il avait repris une partition qu'il avait composée dans les années 1910. Et puis, avec les paroles de Noble Cecil, lui avait donné un nouvel aspect. Et puis, pendant les répétitions, eh bien, la grande actrice, Lottie G, qui devait l'interpréter, refuse. Et elle explique, qui a déjà entendu une valse dans un spectacle avec des gens de couleur? Moi? Répond Hubie Blake. Mais tu n'écris qu'en rythme syncopé normalement. Je ne changerai rien à ma mélodie, dit Hubie Blake. Et Noble Cecil intervenir. Ah oh, si, tu vas tout changer en musique syncopée. Alors pour mieux comprendre l'évolution de cet air, écoutez au piano Daryl Waters, que nous avons rencontré à New York. Il fut la saison dernière le directeur musical de la recréation à Broadway de Shuffle Along avec Audra McDonald. Vous voyez, c'était ça au départ, en valse. Et puis après le changement, c'est devenu comme ça. So, it's kind of like that. does that, hopefully that helps you. There's just one fellow for me in this world. Harry's his name, that's what I claim. For every fellow, there must be a girl. I found my mate by kindness of fate. Yes, I'm just wild about Harry. Harry's wild about me. The heavenly blisses of his kisses fill me with ecstasy. He's sweet just like chocolate candy, and just like honey from the bee. Oh, I'm just wild about Harry, and he's just wild about, cannot do without, he's just wild about me. Talking about me, baby? I'm just wild about Harry. Oh, good. Harry's wild about me. Tell the world. Ah, oh, the heavenly blisses of his kisses fill me with ecstasy. Be careful, honey. He's sweet just like chocolate candy. That's me. Just like honey from the bee. Oh, baby. Oh, I'm just wild about Harry. And guess what? And he's just wild about, cannot do about, he's just wild about me. Louise Woods, I'm just wild about Harry. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Outre la musique, l'autre atout de cette comédie musicale Shuffle Along, c'était les chorégraphies effectuées par une troupe de danseuses noires à la peau claire. Il y avait notamment un grand numéro au début du second acte où un policier faisait la circulation sur la chaussée, demandait aux piétons, aux automobilistes de circuler. En anglais, ça se dit to shuffle along, please shuffle along. Shuffle Along qui a donc été recréé à Broadway la saison dernière, magnifique production. Grand numéro de claquettes signé Savion Glover, casting de stars emmené par Audra McDonald. Malheureusement, le spectacle n'est pas resté longtemps à l'affiche et aucun album n'a été enregistré. Il reste juste un morceau, la prestation de la troupe à la cérémonie des Tony Awards. And now, nominated for Best Musical, here's the company of Shuffle Along, or the making of the musical sensation of 1921 and all that followed. When you hear your feet echo in the street, when it's late and it's raining, when you think of the sleep you're going to lose, when your rolling towel steals away your gal, and you think of the river, then you're getting those Broadway blues. When your glove has lost its silver line, when the colors in your rainbow cease to shine. The little show that could opened in New York City had everything going against it, yet changed Broadway forever. The name of the show, Shuffle Along! And among its many innovations, featured a line of Koreans who didn't just promenade like so. They stomped, shimmy, and hooked like never before! Thank you. abandoned me. Oh, we stopped speaking, but we never stopped crooning, slamming, swinging, slamming. We had the Broadway blues. For I was a songbird who soared so high before $18,000 in debt and goodbye blues. Before everything changed and nothing was the same. We had those public his loving smile, his hug and kisses that set me wild. Today he called me on the phone, and when I heard his voice, you should have heard me more. Daddy! Why don't you please come home? Lynny Godfrey, Daddy, extrait de la comédie musicale Shuffle Along. Shuffle Along qui est un tel succès que le spectacle part en tournée et comme à Broadway va mettre à mal la ségrégation entre noir et blanc dans le théâtre, à Broadway, les spectateurs noirs avaient le droit de s'asseoir à l'orchestre et n'étaient pas obligés, comme dans de nombreuses fois, de s'asseoir au balcon. Le succès du spectacle aussi va encourager les producteurs à proposer d'autres comédies musicales noires. Il y aura Liza en 1922, Hot Chocolate en 1929, Hubby Blake lui-même compose trois autres comédies musicales et quand vous lui demandiez quelle était celle qui était sa favori, eh bien, il vous répondait en 1924, The Chocolate Dandies, pour laquelle il avait écrit ce Dixie Moon. Our melodies in minor keys were first originated under the Dixie Moon. Those melodies in minor keys were first syncopated under the Dixie Moon. Oh, there's a rhythm swinging with them that makes life seem dearer under the Dixie Moon. Swinging with them in that rhythm makes paradise seem nearer under the Dixie Moon. God bless the Dixie. Après les années 30, la mode de la comédie musicale noire s'estompe. Les Blancs arrivent à composer aussi des partitions tout aussi swingantes. Durant la guerre, Hubby Blake va tourner dans les garnisons, jouer au piano pour les soldats. Et puis après-guerre, alors qu'on commence à reconnaître son importance dans l'histoire du ragtime, il se transforme à la fois en artiste pianiste et conférencier. En 1973, Hubby Blake a 88 ans. Il enregistre, sous l'impulsion de William Bolcom et de Robert Kimball, un nouvel album. Il est toujours aussi vaillant et je ne résiste pas au plaisir de vous le faire écouter au piano, interpréter son morceau peut-être le plus célèbre, Memories of You. Thank you. Extrait de ce merveilleux double album, les 86 ans de Hubby Blake. Hubby Blake au piano qui interprétait lui-même Memories of You. Dans l'actualité des comédies musicales, une curiosité, le succès de Broadway The Jersey Boys sur la vie de Frankie Valli et son groupe The Four Seasons, eh bien, en italien, avec une troupe italienne et tout un orchestre, c'est actuellement aux Folies Bergères à Paris et c'est une excellente production. Une curiosité et aussi une étonnante Olivia Ruiz, ça c'est eh bien ta Chaillot. Elles se font avec brio dans la troupe de danseurs de Jean-Claude Galota dans le spectacle Volver qui lui a construit sur mesure autour de ses chansons toutes chorégraphiées et c'est impressionnant de la voir chanter et danser parfaitement. Et puis un coup de cœur pour le nouveau cabaret proposé par la Comédie Française. Après Brassens, Barbara, Ferré, voici un cabaret eh bien Interlope, qui pourrait ressembler à Chez Michou. En fait, Serge Bagdassarian a rempli la commande d'Éric Ruff, le directeur du Français, une commande d'un cabaret autour de chansons sur l'homosexualité. Et eh bien, il donne vie à quatre artistes d'un cabaret interlope, donc en coulisses, en train de se maquiller ou de se chamailler, et puis sur scène, en plume et en strass. Les quatre acteurs sont épatants, les voix sont justes, et le texte, bien sûr, non seulement parfaitement interprété, mais formidablement écrit, c'est du vrai théâtre musical, émouvant avec les arrangements musicaux de Benoît Urbain, un répertoire de chansons françaises variées comme ce « Je ne suis pas ce que l'on pense », interprété par Véronique Vella. Que voulez-vous, c'est obligé. Par mon contrat, je dois changer mes habitudes. Car malgré moi, pour s'imposer, il faut savoir se composer une attitude. Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas ce que l'on dit. Au cinéma, pour qu'on vous lance, être soi-même, c'est interdit. Alors, pour être dans l'ambiance, à chaque instant, je m'étudie. Moi, si rieuse, je dois jouer à la poseuse. Me poser, mais je vous jure que ma nature a du mal à se maîtriser. On dit que j'ai des exigences, on pense que je fais des chichis. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Quand je suis dans l'intimité, je reprends ma simplicité. J'en suis heureuse. Je vis pour moi, je m'appartiens. Mais au studio, je redeviens l'enquiquineuse. Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas ce que l'on dit. Au cinéma, quelle existence. Être soi-même, c'est interdit. Pour se donner de l'importance, il faut bluffer, ça réussit. Sur mon visage, je me fabrique un maquillage dur et moqueur. Pour que l'on m'aime, je dois de même maquiller aussi tout mon cœur. Ce n'est rien que pour l'apparence qu'au fond je joue la comédie. Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas ce que l'on dit. L'Interlope Cabaret à découvrir au Studio Théâtre de la Comédie Française jusqu'au 30 octobre. Toutes les infos sur la page de 42e rue, sur francemusique.fr, le podcast, la réécoute et aussi les informations sur notre prochain cabaret en direct le 30 octobre avec la troupe de l'Opéra de Caxou de Jean Lacornerie. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, avec autour de moi Martine Moni, Frédéric Potry, Jean-François Souvilly, Antoine Giraud et à la réalisation Perrine Mingui. On se retrouve dimanche en direct avec Luc Plamondon, co-auteur de Starmania et de Notre-Dame de Paris, qui viendra avec sa pile de disques de comédie musicale préférée. Rideau.